reconnaissant pour tout ce que tu es. Le divin potier pour nous qui sommes l'argile. Tout ce que tu as commencé à faire dans nos vies. Ce que tu poursuivras de faire. Et pour le produit fini dont tu as en esprit pour que nous puissions devenir. Merci pour ces assises, ce temps. Merci pour ton peuple. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Disposons nos cœurs à la recevoir. Demandons au Seigneur ta grâce. Demandons au Seigneur ton onction. Demandons au Seigneur l'inspiration qui vient de toi, Seigneur. Agis infiniment au-delà de ce que nous pensons. Et nous demandons, Seigneur, tu connais le cœur de chacun, les attentes, les défis, les challenges de tout un chacun. Merci de répondre à nos besoins. Et merci de nous amener là où tu nous attends. Bénis ta parole, Seigneur, dans les cœurs, et que le ciel soit ouvert en ce lieu. Et que la grâce de Dieu, l'onction de l'Esprit de Dieu coule avec facilité. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci de prendre place. Bonsoir à tous. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce soir pour notre suite dans ce grand programme, cette convention de la jeunesse pour le changement, où le thème est entre les mains du divin potier. Merci au Seigneur et merci encore au couple pastoral, pasteur Eston, maman Rosette et tout le comité de pasteurs, le comité des jeunes, tous ceux qui travaillent, qui servent la chorale, merci. Et merci aussi à toute l'Église. Nous allons ce soir parler, continuons dans notre processus de changement. Le sous-thème que j'aimerais aborder ce soir s'intitule « Le tour de la transformation ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Le tour de la transformation ». Est-ce que tu peux le redire encore « Le tour de la transformation ». Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 28. Romains 8, verset 28 nous dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous prenons Genèse. Genèse, le chapitre 37. Et nous voulons lire le verset 12 au verset 30. Genèse 37, verset 12 au verset 30. Il est écrit ceci. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Et Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi dans la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Et un homme le rencontra comme il errait dans le champ. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph lui répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître le troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, et je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Et ils le virent plutôt de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes arrive. Venez, tuons-le et jetons-le dans une des citernes, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et Ruben dit, entendu cela, et il le délivra de leurs mains, et dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répondez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui, et ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Et cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Et ils s'assirent ensuite pour manger. Et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baumes de myrrhe et qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites et l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne et voici, Joseph n'était plus dans la citerne et il déchira ses vêtements. Et retournant vers ses frères, il lui dit, « L'enfant n'y est plus et moi, où irai-je ? » Amen. Et le dernier texte, c'est dans toujours Exode, chapitre 41. Exode, chapitre 41. Lisons d'abord le verset 14 et puis nous lirons le verset 37 au verset 41. Verset 14 nous dit ceci de Genèse 41. « Et Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. » Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas bientôt changer de vêtements. Et le verset 37 nous dit, « Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. » Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouvions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple, et tout mon peuple plutôt obéira à tes ordres, et le trône seul me levera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler sur ce grand thème « Entre les mains du divin potier ». Et hier, nous avons vu comment est-ce que Dieu travaille avec ou dans la vie de ses enfants. C'est-à-dire que ce que Dieu commence, le travail que Dieu commence, il ne le fait jamais à l'extérieur, mais il commence toujours à l'intérieur. Tout à l'heure, je vous ai demandé de dire à votre voisin, tu changeras de vêtements. Là, ça devient l'extérieur. Mais avant que le changement ne devienne extérieur, ce changement est d'abord à l'intérieur. Et on a parlé en long et en large du travail de la circoncision, de ce travail de la sanctification quand Dieu va mettre de l'eau dans l'argile et il va commencer à travailler dans le but d'enlever les impuretés. Et nous avons parlé des quatre actions destructives que Dieu avait demandé à Jérémie de faire, de détruire, d'abattre, de ruiner toutes ces choses, ensuite de planter et de bâtir. Et une fois, et disons le but de ces actions divines, le but de Dieu, qu'est-ce que Dieu recherche ? Il recherche au fait une transformation intérieure dans le but de ressembler à son fils. On a vu dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, il dira, nous tous dont le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, nous sommes changés, métamorphosés. Or, le changement, la métamorphose ne commence jamais à l'extérieur. Regardez quand Jésus-Christ était sur la montagne de la transfiguration, ce qui s'est manifesté aux yeux des apôtres, c'était ce qui était à l'intérieur de lui. Cette gloire, cette lumière qui était à l'intérieur, c'est ça qui est venu se manifester à l'extérieur. Donc si à l'intérieur vous n'êtes pas changé, transformé, l'extérieur ne sera pas non plus transformé. C'était le problème des religieux, le problème notamment des pharisiens. Jésus même leur dira, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors que l'intérieur est rempli de pourriture, d'ossements. Nettoyez d'abord l'intérieur et l'extérieur deviendra net. Donc le commencement du changement, c'est d'abord l'intérieur. Et c'est ce que nous avons vu. Mais une fois que Dieu enlève les impuretés, Dieu prend maintenant cette argile-là qui est pure, purifiée, Dieu va le placer sur le tour. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va maintenant te placer quelque part. on dirait que tu ne lui parles pas avec assurance. Regarde-le en face. Dis-lui, Dieu va te placer quelque part. Et là où Dieu va te placer, ça s'appelle le tour. Ça, c'est la troisième étape. Où Dieu te place sur le tour. Et le tour, c'est cet endroit où Dieu va maintenant commencer à travailler, à te modeler, à te transformer. Sur le tour, le divin potier a un but. Le divin potier vise ta construction. Sur le tour, il va te construire. Sur le tour, il va te changer. Sur le tour, il va t'édifier. Sur le tour, il va commencer petit à petit à te donner la forme que lui-même veut. Et le tour, quand on te place sur le tour, on ne te place pas à côté, mais on te place au milieu. Et tu seras au milieu, donc Dieu va lui-même commencer à s'occuper de ta vie. Tu seras au centre de ses activités, sur le tour. Et là, Dieu vise à bâtir en toi le caractère de Christ, la nature de Dieu. Et le caractère de Christ, on ne le reçoit pas en claquant de doigts. On le reçoit au prix des douleurs, de larmes. Paul même pouvait dire, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, jusqu'à ce que Christ soit bâti en vous, jusqu'à ce que tu reçoives le caractère de Christ. Et ce caractère, on le reçoit sur le tour, dans les pleurs, dans les larmes, dans la souffrance. Et le tour de la transformation représente quoi? Ce tour représente toutes les circonstances que Dieu va permettre dans ta vie. Ce tour de la transformation représente tous les événements, tous les problèmes, les difficultés que le divin potier va permettre dans ta vie, dans le but que tu rentres dans son plan, dans sa vision. C'est ça le tour de la transformation. Et sur ce tour, vous allez voir, le potier est comme assis et l'argile est sur le tour. Et le tour tourne comme ça, vous voyez, ça tourne comme ça. Et ce tour-là est manié par une pédale. Et c'est la pédale, au fait, qui cadence le mouvement ou encore la vitesse du tour, qui va donner la forme à l'argile. Donc c'est pour dire que Dieu, lorsqu'il te place sur le tour, il a sa pédale, il a son pied sur la pédale. En gros, il contrôle et il maîtrise les situations, les problèmes et les événements. Donc ce qui peut être pour toi quelque chose d'extraordinaire ou plutôt quelque chose d'étonnant, pour Dieu ce n'est pas étonnant parce qu'il est au contrôle de la situation. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ton oncle, ta tante, un sorcier qui contrôle ta vie. Ta vie est dans les mains de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est Dieu qui a la pédale. Alléluia. Et malheureusement, certaines personnes, quand elles sont placées sur ce tour, ils ont envie de quitter le tour. Si tu quittes le tour, tu n'arriveras pas à destination. Reste là. Dis à ton ami, reste là. Non, non, dis-le-lui encore. J'aimerais que tu lui parles avec vie. Hein. Dis-lui, reste là. Reste sous le tour. Alléluia. Sur le tour, le divin potier va actionner les événements, les difficultés, les situations, les circonstances, bonnes et mauvaises. Parce que quand la Bible dit toutes choses, on ne dit pas toutes bonnes choses. On dit toutes choses concourent. C'est-à-dire même les mauvaises choses. Ah, je ne comprends pas. C'est pour un but. Arriver quelque part. Et sur le tour, tu es en train de tourner, toi l'argile. Il augmente la vitesse, tu tournes. Imaginez un peu, tu es comme ça. Tu es en train de tourner. Sur le tour, quelquefois, on a des vertiges. Tu comprends pourquoi il y a des vertiges? Tu commences des fois à avoir des vertiges. Je ne comprends pas. Quand on a des vertiges, on ne comprend pas. Je prie, je jeûne, je fais tout ce qu'il faut. Je crains Dieu parce qu'il n'y a plus d'impureté. Mais je ne comprends pas. Tu as des vertiges. Et tu es sur la bonne voie. Dieu aime ceux qui ne comprennent pas. tu n'arriveras jamais à la forme finale tant que tu comprends tout. D'ailleurs, une fois Jésus était avec les apôtres, il a voulu laver leurs pieds. Dans Jean chapitre 13, le verset 7 nous dit ceci. Pierre a refusé, il dit non, moi me laver le pied, jamais. Jésus lui dit ceci. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais bientôt tu vas le comprendre. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des choses négatives qui vont arriver dans ta vie, tu ne vas rien comprendre. Tu ne comprends rien maintenant. Ce n'est pas parce que tu ne comprends rien que tu n'es pas entre les mains du divin potier. Quelquefois, on est entre ses mains, mais on ne comprend rien. Il m'est arrivé d'être dans des situations, je pleurais. Je pleurais d'ailleurs. Nulle part dans la Bible, il est dit que face au problème, pleurer. C'est écrit nulle part. Nulle part. Non, vous avez des problèmes, pleurez. Je pleurais, Seigneur. Quand je finis de pleurer, Dieu me regarde, il dit, tu as fini de pleurer? Je dis oui. Tes problèmes ont changé? Non. Tes pleurs ne vont pas. Dieu n'est pas sentiment. Parce que ce que tu sens te ment. Tu as compris, non? Oh, je sens, ça te ment. Dieu n'est pas sentiment. Dieu dit, tu ne comprends pas, mais tu vas comprendre. Il dit, prends courage. À chaque fois quand tu as des problèmes, Dieu viendra te dire, prends courage et agis. Prends courage et agis. Prends courage. Ne crains rien. Et il ne te dira jamais, pleure. Donc toi qui continues à pleurer, essuie tes larmes. Et aujourd'hui, je t'amène un comprimé, ne crains rien. Et dans la Bible, il a écrit ne crains rien plus de 365 fois. C'est pour dire, comme il y a 305 jours dans l'année, tu as un comprimé par jour, ne crains rien. Oh, regarde ton voisin, dis-lui, ne crains rien. Le potier est en contrôle, il contrôle la situation. Tu peux boire le comprimé, ne crains rien. Dis, je bois, ne crains rien. Parce que souvent, on craint. Amen. Amen. Je ne comprends pas. Ne cherche pas à tout comprendre. Avec Dieu, on ne comprend pas toujours tout. Avec Dieu, on lui fait confiance. C'est ça la différence. Sur le tour de la transformation, tu vas vivre des situations désagréables. Et ça, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas vivre. Si tu as vécu, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas passé par là, que tu le veuilles ou pas, c'est le chemin obligatoire. Tu vas vivre des choses désagréables. Où tu auras même l'impression de tourner en rond. Où je tourne en rond, année après année, je prophétise, je déclare rien. Cette année, je vais toucher mes promesses. À la fin de l'année, rien. Tu tournes en rond. Et quand tu es en train de tourner, toi, tu penses que rien ne se passe. Parce que tu ne vois rien arriver. Mais dans le cœur de Dieu, pendant que Dieu est en train de travailler, des choses sont en train de se préparer en ta faveur. Donc tu n'es pas en train de tourner en rond, tu n'es pas en train de perdre ton temps. On a souvent l'impression, oui, on vient à Jésus, on perd le temps, quoi. Non, c'est une impression. Parce que tu as l'impression de tourner en rond. Mais pendant que tu tournes en rond, la main du potier est en train de former. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses déjà à l'horizon qui se pointent pour toi. Tu es en train de te former maintenant et tu as l'impression que tu perds ton temps. Je tourne en rond. Continue à tourner en rond sur le tour de la transformation. Alléluia. Le tour de la transformation, c'est un tour où on ne comprend rien. C'est compliqué. On a l'impression d'avoir tout perdu. On a l'impression que rien n'avance. On est pressé de tous côtés. Le tour, c'est un lieu de la pression. Et bien aimé, pendant que j'introduis ce message, j'aimerais te dire, Dieu forme son argile par la pression. Les pressions, les difficultés, les épreuves, la souffrance. Un message qu'on n'aime plus entendre aujourd'hui, tu vas souffrir. Ah non, non, non, je croyais qu'il allait me bénir. Avant ta bénédiction, tu dois souffrir. Je savais que tu n'allais pas dire amen. Avant d'aller loin, tu dois d'abord peiner avec Dieu. Il va te tailler. Oh, je suis en train de voir Dieu tailler quelqu'un. Dieu briser quelqu'un. Les pressions vont arriver de toutes parts. Tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien piger. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Tu peux même avoir l'impression que Dieu t'a abandonné, mais il est là. Dans 2 Corinthiens 4, verset 8, Paul dit ceci. 2 Corinthiens 4, verset 8, Paul dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » J'aimerais dire à quelqu'un, les pressions ne vont pas te tuer. Les pressions ne vont pas t'anéantir. Pendant que tu vis les pressions, tu auras la main providentielle de Dieu qui sera à tes côtés pour te soutenir. Alors ne lâche pas, ne abandonne pas et ne quitte pas le lieu de la transformation. Le tour de la transformation, Dieu place tous ses serviteurs et tous ses enfants sur ce tour-là. Et le but de ces pressions, c'est pour te qualifier. Tu as déjà eu quelqu'un avoir un diplôme d'État sans passer par les épreuves? Les épreuves que tu as et que tu auras sont là non pour te tuer. C'est là pour, au fait, te qualifier. Oh, moi j'aime cet oiseau qu'on appelle l'aigle. L'aigle, ce n'est pas un moineau. Regarde ton voisin, les autres là sont des moineaux. Il ne t'a pas bien entendu. Les autres sont des moineaux. Les moineaux, ce sont des gens qui aiment la facilité. Hein? La facilité, on aime la facilité, d'accord? Tout est facile, argent facile, mariage facile, tout dans la vie facile, tu es un moineau. Parce qu'avec Dieu, il te transforme et il fait de toi un aigle. Et vous allez voir que l'aigle laisse toujours les moineaux voler avant lui. Ce sont les moineaux qui partent avant, parce qu'ils n'aiment pas les difficultés. Mais l'aigle attend quand le vent devient contraire, quand ça devient difficile. Quand ça devient compliqué, c'est là que l'aigle déploie ses ailes. Et non seulement il déploie ses ailes, il se place dans le cœur du tourbillon ou encore de ce vent impétueux. Et ce sont les vents qui le propulsent. Donc l'aigle n'est pas propulsé par ses ailes, mais ce sont en fait les vents, les difficultés qui le propulsent. Donc j'aimerais te dire, ce sont tes problèmes en fait qui vont te propulser. Ah, c'est le tour de la transformation qui va t'élever, qui va te propulser. Alors refuse d'être un moineau. Nous ne sommes pas des moineaux. Nous sommes des aigles. Est-ce que les archois ici sont des aigles? Alléluia. Alléluia. Les problèmes, les douleurs, les pleurs, les souffrances, les difficultés, je n'ai pas l'argent, la disette, tu perds tout, tout ce que tu avais, tu vas le perdre, tu perds tes relations, tu perds tout, tu commences à manquer, même 100 francs, tu dis, mais où est ce Dieu? Dieu dit, tu es sur le tour de la transformation. Dieu te dit, je ne veux pas te sortir de le tour, du tour, mais courage. Regarde ton voisin, dis-lui courage. Non, tiens-le par la main comme ça. Dis-lui, courage, frère. Dis-lui encore, courage, frère. Dans Psaume chapitre 34, verset 20, Dieu dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le divin potier. Le divin potier dit, le malheur, les difficultés, les problèmes atteignent souvent, c'est-à-dire de manière fréquente, régulièrement, le juste. Mais attendez, il ne s'arrête pas là. Il dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oh, cela veut dire, le problème ce n'est pas le malheur, mais le problème c'est que je serai délivré. Toujours tu seras délivré de ce malheur-là. Wow! Dieu va permettre des malheurs. Dieu va permettre des difficultés. Mais il ne va pas te sortir de là. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, quelquefois nous avons l'impression que Dieu est absent. Parce que quand tu es sur ce tour-là, tu ne vas recevoir aucune vision, aucune prophétie, parce qu'il t'a déjà parlé. Parce que vous savez, il y a des moments quand c'est difficile, tu as envie qu'un prophète te donne une parole. Et quand tu attends, tu es même venu aujourd'hui, tu dis, j'attends une parole de prophétique, mais venant de Dieu. Mais là, silence radio. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il n'est pas là. Sur le tour, il est silencieux. Mais il est en train de travailler. Oh, tu es sur le tour. Dieu est en train de travailler. Amen. Et c'est le cas de Joseph. Le cas que nous venons de lire. Voici un homme, un jeune homme qui avait à peu près l'âge de 17 ans. Aimé de son père. La Bible dit que son père l'aimait beaucoup parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et qu'est-ce que son père va faire? Il va confectionner une tunique de plusieurs couleurs et va revêtir Joseph. Et Joseph avait des aînés. Il avait des frères, bien sûr une sœur. Et la parole de Dieu nous dira qu'à cause de cet habit multicolore que son père lui avait donné, cela a emmené la haine. Joseph n'a pas demandé, on lui a donné. Bien aimé, des fois la grâce que Dieu te fait, ça fait que les gens commencent à devenir jaloux. Ce n'est pas de ma faute. Si je suis ce que je suis, si c'est ce que j'ai, ce n'est pas de ma faute. C'est Dieu qui est grâce. Tout est grâce. Pourquoi tu es jaloux de moi? Il y a des gens qui veulent vous haïr sans cause. Tu l'as rien fait, mais ils ne t'aiment pas. Oh, ne sois pas perturbé, même si les gens ne t'aiment pas. Moi, je dis, même si tu ne m'aimes pas, Dieu m'a déjà aimé. Oh, moi, on ne m'aime pas. Je suis rejeté au Congo. Tout ça. Si au Congo, on ne t'aime pas, va en Chine. On va t'aimer là-bas. Alléluia. On ne m'aime pas, tout ça. Et Joseph n'a pas demandé. Il a dormi et il a eu deux songes. Bien-aimé, tu rêves. Est-ce que c'est ta faute? Il y a des gens qui vont être jaloux pour toi parce que tu as un rêve. Mais est-ce que je t'empêche d'avoir des rêves? C'est mon rêve. J'ai rêvé. En réalité, le rêve de Joseph, il n'était rien d'autre que le rêve de Dieu pour Joseph. Rappelez-vous du premier jour, on a dit que Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous. Dieu a un plan, Dieu a une vision. Mais Dieu communique ce songe-là, ce rêve à Joseph. Les rêves de Joseph deviennent une occasion de haine de ses frères. Bien-aimé, la tunique était une occasion de haine. Les rêves aussi sont devenus une occasion de haine. Il y a des gens, peut-être que tu les vois comme ça, ils te sourient, mais ils ne t'aiment pas. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas mon problème. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, le plan de Dieu va se réaliser. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu avait donné à Joseph ses rêves, c'était pour que Joseph commence à se préparer. Quand Dieu te parle, c'est pour que tu te prépares. Que tu rentres dans ce tour-là, dans ce tour de la transformation, pour que tu sois prêt. Parce que ce qu'il te montre aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu es, c'est ce que tu seras. Pourquoi? Parce que ce que tu es n'est pas encore capable de supporter ce que Dieu veut te donner. Donc Dieu te dit, tu es encore un bébé, un gamin. Il ne peut pas donner des choses matures au bébé. Donc il doit d'abord te travailler, t'équiper, te préparer, te bâtir pour que quand tu seras prêt, il te donne maintenant les choses. C'est comme un enfant qui a son papa qui est riche. L'enfant a 10 ans, il dit, papa, donne-moi la voiture. Même si le papa aime l'enfant, il dira, petit, tu n'as pas l'âge. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a des enfants, des jeunes garçons de 12 ans, de 10 ans qui veulent avoir la barbe. Le problème, c'est que tu auras la barbe, mais ce n'est pas encore le temps. Ce que tu oublies, c'est que la barbe est en toi. Est-ce que je peux parler au cœur du peuple aujourd'hui? Les choses sont déjà en toi, mais il faut un temps pour la manifestation. Oh papa, je ne comprends pas, c'est pas la barbe. Mais tu n'as que 10 ans. Attends, quand tu auras 18 ans, 19 ans, tout seul, ça va pousser. Donc, ta croissance, c'est ça qui va permettre à Dieu de te donner beaucoup de choses. Or, pour que tu grandisses, Dieu te place sur le tour. Alléluia. Je ne t'entends pas. Et regardez maintenant comment Dieu va commencer à fonctionner. On a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, il est aux commandes des manettes. Il a les manettes. Il est aux commandes de toutes choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le cœur de Jacob. Il dit maintenant, Jacob, il dit à son, Jacob maintenant va dire à son fils Joseph, va voir tes frères. Il lui donne une mission. Ce que Joseph ne savait pas, que ce n'était pas une mission aller-retour, c'était une mission aller simple. Il pensait qu'il allait partir, qu'il allait revenir. Mais il était parti pour longtemps. Dieu va faire permettre des circonstances où les choses vont commencer à se défiler. Une à une, les événements, les problèmes, les circonstances. Parce que tu es en train de tourner. Et ses frères, quand ils aperçoivent Joseph, la Bible dit, ils l'ont vu de loin et ils ont commencé à comploter de le tuer. Bien-aimé, il y a des gens qui voudront te tuer parce qu'ils font des complots. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu qui est un potier, qui est plutôt l'argile entre les mains du potier, tant que tu seras dans la main du potier, aucun mauvais complot ne va t'atteindre. La Bible dit dans Ésaïe 54, 15, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Bien-aimés, je vous dis prophétiquement, vos ennemis qui vous font des complots, ils vont tomber entre vos mains. Alléluia. Ils ont dit, venez, tuons-le. Tuons-le. Verset 21, ils ont dit, venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans l'une de citernes. Et nous verrons que deviendront ces songes. Donc le problème de ces frères, c'était au fait les songes. On va voir ce que deviendront ces songes. On va voir qu'est-ce qui va devenir demain. Il y a des gens qui se frappent la poitrine. On verra ce que deviendra cette église. On va casser ça. On viendra ce que tu vas devenir. Des mauvaises paroles. Ils disent des choses. Mais j'aimerais te dire, tout ça c'est tombé dans l'eau. On verra s'il va se marier. Tu vois, non? Tu commences à avoir 45 ans, non? Tu n'as pas encore de mari. Qui t'a dit que 45 ans c'est trop tard? Oh non, j'ai 50 ans, c'est la ménopause. Ah bon? Dieu est capable de mettre une pause dans la ménopause. Ah moi, vous ne croyez pas? Sarah a couché à quel âge? Quand même l'ange lui a dit l'année prochaine, la même période. La Bible dit Sarah rit. Pourquoi? Elle a ri parce qu'elle dit moi, je suis une femme doublement ménopausée. Mais celui qui a les manettes a mis la pause dans la ménopause. On voit une vieille mémé enceinte. Sans manger, les ventres gonflent. Oh, je dis à quelqu'un, sans manger, les ventres gonflent. On ne va rien comprendre. Tu n'as pas pris la quinine, mais tu jettes seulement la salive. Oh, je suis en train de voir quelqu'un qui va être enceinte. Oh, c'est trop tard. Qui t'a dit c'est trop tard? Mon songe va se réaliser. Oh, tape ta poitrine. Tu dis, mon rêve va se réaliser. Ah, le rêve de Dieu va se réaliser dans ma vie. Oh, je dis à quelqu'un à l'arche, le rêve de Dieu va se réaliser. Le rêve de Dieu va se réaliser. Ils ont fait un verdict, tuons-le. Une décision était prise dans leur cœur. Joseph doit mourir parce que Joseph nous dérange. Mais au même moment, alors qu'ils étaient 11 à avoir la même décision, Dieu suscite deux avocats au milieu des ennemis. Oh, j'aime Dieu. Ruben et Judas disent non, il ne doit pas mourir. Bien-aimé, Dieu est tellement, parce qu'il a les manettes, parce qu'il contrôle tout, même les ennemis sont entre ses mains. Même Satan travaille pour Dieu, mais sans salaire. Oh, j'aime Dieu, j'aime Dieu. La Bible dit quoi? Dans Proverbe 16, verset 7, il est dit quoi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire, au milieu des ennemis, tu vas avoir des avocats. Oh, je vois quelqu'un qui était hier ton ennemi, qui va devenir ton avocat. On a pris ton dossier, on a mis ça sous les dossiers de tout le monde. Hier, on l'écartait. Mais je vois quelqu'un qui dit non, il n'a rien fait. Mettons-le, on prendra ton dossier. Je suis venu dire à quelqu'un, on va sortir ton dossier. Là où c'était cassé, on va le mettre au-dessus. Ruben devient avocat. La Bible dit qu'il avait le dessein, il avait le plan de le délivrer, mais aussi de le ramener vers son père, n'est-ce pas? On l'a lu. Ça, c'était son premier plan. Alléluia. Quelqu'un nous a un jour enseigné, nous a dit, Dieu a des agents partout. Où que tu sois, toi, ton problème, soit favorable au Seigneur, soit un enfant de Dieu, soit quelqu'un qui aime faire le bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui sont ceux qui aiment Dieu? Ce sont ceux qui gardent la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ceux qui craignent Dieu. Tant que tu crains Dieu, Dieu a des agents partout. Alors, ne te pose pas trop de questions. Où que tu sois, même si ça se complique, dis-toi au milieu de la complication, il y a une solution. Au milieu du filet de l'ennemi, le filet de l'oiseleur. L'oiseleur ne sait pas que dans son filet, il y a des trous. Aïe, aïe, aïe, aïe. Au milieu de la complication, il y a des voies de sortie, des voies d'issue. Dieu te sortira de cette situation. Amen. Amen, amen, amen. Si tu crois, dis-le vraiment fort. Amen. Et le verset 28 au verset 29, si vous lisez, la Bible dit, au même moment, pendant que ses frères ont voulu l'épargner, il y a eu les marchands qui sont venus. Ils sortaient de nulle part, on ne sait pas d'où ils venaient, et ils allaient en Égypte. Et au même moment, Ruben s'est déplacé, on ne sait pas pourquoi. Parce que le plan de Ruben, c'était que je le délivre et qu'il rentre dans la maison de mon père. Or, s'il rentrait dans la maison de son père, le rêve n'allait pas se réaliser. Donc Dieu crée un événement pour écarter toutes les personnes qui deviennent des freins. Toi, tu croyais que oh, vraiment, lui là, il va vraiment m'aider. Quand Abraham est sorti de Mésopotamie, il est parti avec Térakh. Alors que Dieu l'avait dit, quitte-toi-même. Il a pris son père Térakh. Or, Térakh veut dire retard. Il y a des gens qui sont bien dans ta vie pour te retarder. Mais Térakh doit mourir. Dieu va écarter. Dieu va écarter les choses qui vont être des freins pour sa vision dans ta vie. Et les frères de Joseph vont adopter l'idée de Judas. Vendons-le. Vous imaginez? On le vend. Vaut mieux encore qu'on te vende qu'on te tue. Oui ou non? On te présente l'arbre. Tu veux qu'on te tue ou qu'on te vende? Ah, moi en tout cas, je ne sais pas. Moi, vendez-moi. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. On ne sait pas, demain sera meilleur. Mais au moins, je suis en vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Même si je suis costaud, si je suis mort là, c'est fini. Donc vendez-moi. Et on l'a vendu. Alléluia. Et quand Judas, quand Ruben revient, Ruben se fâche. Mais où est-ce que vous l'avez mis? Oh non, c'est trop tard, il est déjà parti. Pourquoi? Parce que le dessein de Dieu, c'est qu'il ne devait plus retourner à Canaan, mais il devait aller en Égypte. Donc Dieu manage les situations. Oh, je ne comprends pas, mon dossier est bloqué. Gloire à Dieu, Dieu sait pourquoi c'est bloqué. Oh, ta situation ne se débloque pas. Dieu sait pourquoi. Il est aux commandes de la situation. Alléluia. Alléluia. Et Joseph arrive en Égypte, tout bascule. Les choses commencent à s'empirer. Tout devient compliqué. Tu es là, tu dis, mais je ne comprends rien. On nous presse. On reçoit la parole, on dit amen. Mais les choses qui m'arrivent, je ne comprends pas. Tu es sur le tour de la transformation. Il est en train de travailler. Joseph était là, il se pose des questions. Il avait l'impression que tout était fini. Mais j'ai constaté une chose avec Dieu, dans la pédagogie de Dieu, c'est que très souvent, quand Dieu te donne une parole de bénédiction, la première chose que tu vas vivre, c'est le contraire. Je vais te donner beaucoup d'argent. Tu rentres comme ça des factures et tu deviens piaka. Mais oh, mais c'est pas possible. C'est normal. Dis à ton ami, c'est normal. Le contraire que tu vis, ça veut dire que Dieu maintenant sur le tour, Dieu est en train de travailler. C'est pourquoi faites attention aux bénédictions trop précipitées. Souvent, ce n'est pas Dieu. Parce que le diable avait dit à Jésus, si tu te prosternes, je te donnerai toutes ces choses. Il y a des gens qui se sont prosternés et qui ont eu toutes ces choses. Nous, on refuse de nous prosterner pour avoir toutes ces choses parce qu'il nous a déjà réservé un nom qui est souverainement élevé au-dessus de tous les noms plus tard. Le diable est pressé avec ta vie. Dis à ton ami, ne sois pas pressé avec ma vie. Non, non, non, dis-le lui, ne sois pas pressé. Parce qu'il risque même d'avoir des frères. Ils vont dire, mais toi tu souffres comme ça, c'est pas normal. Bien-aimé, ma vie ne te concerne pas. Pourquoi tu es pressé avec ma vie? Tu veux me sortir du tour avant le temps? Non, chacun de nous a le temps. Il y a le temps de Dieu et le temps des hommes. Le temps des hommes, Jésus a dit, votre temps est toujours là. Mais le temps de Dieu, c'est un temps kairos qui arrive au moment où Dieu lui-même a prévu. Ne sors pas du tout avant le temps de Dieu. Ne sois pas pressé. Dis-lui encore, ne sois pas pressé avec ma vie. Et laisse ma vie tranquille. Amen, amen. Amen. Et là, nous avons quelques leçons que nous pouvons noter concernant le tour, quand Dieu nous met sous le tour dans la vie de Joseph. Première leçon que nous pouvons voir, nous pouvons noter ici, c'est que rien ne peut arriver sans que le Seigneur ne l'ait permis, ne l'ait autorisé. À rien. Et la Bible nous dit, dans le livre de Lamentations, chapitre 3, versets 37 à 38, Lamentations 3, 37 à 38, qui dira qu'une chose n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté de Dieu? Plutôt, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux, c'est-à-dire les malheurs et les biens? Tout vient de Dieu. Les bonnes choses tout comme les mauvaises choses. C'est pourquoi la Bible dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Rendez-lui grâce. Mauvaise chose, merci Seigneur parce que tu as permis qu'on me vire du travail. Merci Seigneur parce que tu as permis que ce fiancé-là ne m'épouse pas. Toi de fiancé, t'es dit je ne veux plus de toi, tu fais un deuil national. Essuie tes larmes. Parce que quand le fiancé t'a quitté, c'est-à-dire Dieu t'a préparé un meilleur. Je vois une famille qui est en train de pleurer. Jean-Marie est parti. Jusqu'à quand tu vas pleurer sur Jean-Marie? Pleure dans l'adoration. Arrête de pleurer sur les hommes. Pleure dans l'adoration. Arrête de pleurer sur les hommes. Tu as eu un râteau. Gloire à Dieu. Dis à ton ami, Dieu est aux commandes de la situation. Dis-lui, il est aux commandes des problèmes. Dis-lui, il est aux commandes des événements. Deuxième enseignement que nous pouvons tirer, aucun homme n'a les derniers mots sur ta vie. Ah, oh, ça tu peux acclamer. J'ai dit, aucun homme n'a les derniers mots sur ta vie. C'est pourquoi je donnerai raison à Job. Job, quand tout allait mal, il dit ceci dans Job 19, 25. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier sur la terre. Dieu laisse toujours les hommes se lever avant. Oh, les hommes vont parler, ils vont parler avant. Mais le dernier mot, c'est lui qui va le dire. Le dernier mot, tant qu'il n'a pas dit c'est fini, ce n'est pas fini. C'est pourquoi je dis, conjugue ma vie en expression de pas encore. Ne dis pas que Yevinaye est silly. Lui, c'est fini. Non, dis pas encore. Oh, tu n'as pas encore bien compris. Même quand tu parles, tu dis, oh non, moi je pense que je n'arriverai pas. Non, dis, aujourd'hui c'est compliqué, mais demain ça va aller. Oh, aujourd'hui je n'ai pas encore le mariage, mais demain j'aurai le mariage. Aujourd'hui je n'ai pas encore l'argent, mais demain j'aurai l'argent. Oh. Pas encore. Regarde, on va te dire pas encore. Il y a des choses qui ne sont pas encore manifestées. C'est pourquoi faites attention aux gens qui vous cataloguent, qui disent lui là, elle là, elle là. Pas encore. Après toutes ces années, tu n'as rien. Pas encore. Amen. Amen. Amen. Pas encore. Pas encore. Tu n'as pas de diplôme. Pas encore. Moi, j'ai arrêté les études pendant 17 ans. Dieu m'avait envoyé pour les études. Là-bas, il m'appelle au ministère. J'ai tout abandonné. J'avais même pas les moyens. Rien. Mais je disais toujours pas encore parce que j'aurai le doctorat que j'ai toujours voulu. Mais vous savez quoi? J'ai rattrapé beaucoup d'années d'études en un an. Donc hier, si tu croyais que je n'avais pas de diplôme, aujourd'hui j'ai un diplôme. Pas encore. Et regarde ton voisin du lit, pas encore. Et à la fin, tu vas comprendre. Les choses que tu attends longtemps, tu peux l'avoir en un jour. Ah. C'est pourquoi ne sois pas pressé. Dis seulement, pas encore. Regarde ton voisin du lit encore, pas encore. Ça va jusqu'à là, non? Troisième enseignement qu'on peut tirer, c'est que c'est Dieu qui tient nos vies entre ses mains. Nous sommes sur le tour, nos vies sont entre ses mains. Ta vie n'est pas entre les mains de qui que ce soit. Psaume 31, verset 16 nous dit, « Mes destinées sont dans ta main, alors fais-lui confiance. » Ta vie, sur le tour de la transformation, bien-aimé, tu dois savoir que Dieu se servira de n'importe qui, de n'importe quoi. Il se servira des temps, des circonstances, des événements pour aboutir et atteindre les objectifs. Parce qu'il n'a pas encore fini. Philippiens nous dit, 1:6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Dieu est capable de tout. Et autre chose que j'ai compris avec Dieu, on ne prend pas des raccourcis avec Dieu. Vous qui êtes trop pressé, pas des raccourcis. Avec Dieu, le chemin qu'il a tracé, tu dois passer. Monte, descends, fais des caprices, tu vas passer par là. Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, il pouvait passer par le chemin des Philistins. Si vous lisez dans Exode chapitre 13, de verset 17 à 18, on nous dit que les enfants d'Israël pouvaient passer par le chemin des Philistins, mais Dieu les a fait passer par le chemin du désert. Pourquoi? Parce que le chemin des Philistins, ils allaient faire 40 jours. Mais dans les déserts, ils ont fait 40 ans. Tu passeras par le chemin de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, tu passeras par là. Pas des raccourcis. Tu vas faire des détours. Dieu, pour t'amener au sud, plutôt au nord, alors que tu es au centre, pour aller au nord, tu n'as qu'à monter comme ça. Dieu t'amène d'abord au sud. Mais tu m'as dit la direction, c'est le nord. Mais tu pars au sud. Ce n'est pas qu'il a oublié. Il t'amène au sud pour t'amener ensuite au nord. Les détours que tu vas faire, tu arriveras à destination. Tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu arriveras à destination. Parce que c'est le chemin de Dieu. Pas de raccourci. Dis à ton gros, à ton ami, pas de raccourci. Parce que je sens ici des gens dire, je sens l'appel, je sens que les choses vont arriver. Bien aimé, s'il a dit que tu seras formé 10 ans, pas de raccourci. Moïse a attendu 40 ans pour entrer dans l'appel. Jésus a attendu 30 ans, donc pour un ministère de 3 ans, 10 ans de formation pour chaque ministère. Tu n'es pas pressé? Toi qui es trop pressé, tu n'es pas pressé? J'aimerais dire à quelqu'un, il n'est pas pressé, il va prendre son temps. C'est quoi? Faites attention au ministère que j'appelle le ricin de Jonas. Le ministère du ricin de Jonas pousse en un jour et disparaît en un jour. Il y a beaucoup de ricins de Jonas comme ça. Grand ministère, tout feu, tout flamme, il vient comme ça. 2 ans après, il disparaît. Ricin, regarde ton ami, ne sois pas un ricin. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut continuer? Autre leçon qu'on peut tirer, c'est que les voies de Dieu, les circonstances, les épreuves que Dieu va permettre ne vont jamais te plaire. Ce Dieu va permettre des choses que tu n'aimes pas, que tu n'aimerais pas vivre. Oh, moi j'en ai connu plein. Que je dis, mais Seigneur, mais pourquoi moi? Mais oui, mais pourquoi pas toi? Des choses désagréables. Mais pendant qu'il permet ces choses, il est en train de te briser pour t'amener quelque part. Ce qui m'étonne, c'est que dans Ésaïe, la Bible dit quoi? Il plut à l'Éternel de briser son propre fils par la souffrance. Ah! Donc, la souffrance plaît à Dieu. Oh, toi qui n'aimes pas cet évangile, toi tu penses que non, tu ne vas plus souffrir, tu ne vas plus avoir, oh, je te dis, tu auras des bobos, tu auras des douleurs, tu auras des souffrances, parce que Dieu, ça lui plaît de te voir des fois souffrir. Sur le tour de la transformation, c'est un tour de souffrance. L'école de Dieu, c'est l'école de souffrance. Tape ton ami, ton frère, dis-lui, bienvenue à l'école de la souffrance. Ah, je vis, il n'a pas tapé parce qu'il n'est pas d'accord. Tape-le encore. Bienvenue dans le corps de la souffrance. Oh Seigneur, je souffre trop. Ah Seigneur, c'est si. Quand tu es en train de pleurer comme ça, ah, Dieu dit, je suis content. Je suis content, tu es en train de souffrir. Parce que quand tu souffres comme ça, en réalité, c'est ta chair qui souffre. L'esprit en toi est content. D'habitude, si nous souffrons, si c'est la volonté de Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu, n'est-ce pas? L'esprit de grâce repose sur nous. Donc la souffrance, c'est le moyen de Dieu pour briser la chair et pour que ce qui est de Dieu ressorte. Ah, je souffre, Dieu est content. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre aujourd'hui, Dieu est content. Il plut à l'Éternel de le briser. Dieu va briser ton caractère de cochon. Dieu va briser ta fierté. Moi, Dieu va briser ça par la souffrance. Dieu va briser ton assurance. Dieu va briser ces choses. Et tu vas devenir un homme humble qui me soit fait selon sa parole. Oui, là maintenant tu es brisé. Quand tu es tout fait, tout flamme, tu n'es pas encore brisé. Alors moi ici on me bloque, je sens l'onction. Je sens que nous autres là on doit presser. Tu n'es pas brisé. Quelqu'un qui est brisé, quand on lui demande de faire des choses, il n'a pas envie de faire. Moïse dit, envoie quelqu'un d'autre, je ne suis pas prêt. Toi, tu es toujours prêt, tu n'es pas brisé. Parce que quand le jour où on va te programmer, aujourd'hui ils vont sentir 3 jours à sec. Ils vont sentir de quel bois je me chauffe. Et tu fais comme ça, pff, rien, même pas une mouche qui tombe. Pourquoi? Tu n'es pas brisé. Regarde à ton voisin, Dieu va te briser. Dieu va te tailler. Dieu va te briser. Il plut à l'Éternel de le briser par la souffrance. Oh, je bénis Dieu parce que quelqu'un va commencer à souffrir. Alléluia. Alléluia. Quand tu souffres comme ça, Dieu t'amène à la patience. Dieu t'amène à l'humilité. Dieu t'amène à la douceur. Dieu t'amène à la simplicité. Et ces choses difficiles, c'est le chemin obligatoire. Parlez à tout homme de Dieu, toute personne que Dieu a bénie et levée, il te dira, je suis passé par la souffrance. Amen. Dieu va permettre que les gens te haïssent, parlent du mal de toi, que tu subisses la méchanceté des gens. Moi, Dieu a utilisé des gens pour parler tellement du mal de moi. J'ai été sali comme jamais. Sali, mais comme pas possible. Je pleurais, j'ai dit, mais ça, c'est pas moi. Les gens te feront du mal, mais Dieu changera le mal en bien. Ça, c'est la finalité. C'est pourquoi reste sur le tour. Dis encore à ton ami, reste sur le tour. Tes souffrances d'aujourd'hui seront le bonheur de demain. Tes pleurs d'aujourd'hui seront tes cris de joie de demain. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, les souffrances du temps présent ne seront pas être comparables à la gloire à venir qui est réservée pour nous. Souffre maintenant, mais demain tu vas rire. Demain tu seras content. Le malheur, c'est la matière première de Dieu. Le malheur, les difficultés, les épreuves, les problèmes, c'est ce que Dieu utilise pour te façonner sur ce tour. Amen. Alléluia. Merveilleux Jésus. Et autre chose que j'ai constaté, c'est quoi? C'est que lorsqu'on reçoit la vision de Dieu ou Dieu veut faire quelque chose avec nous, nous avons tendance à voir la finalité. En fait, Dieu te montre la finalité en fait, pour t'encourager. Quand Dieu a appelé, on a vu ça, je crois, il y a deux jours, il a dit à Ananias, cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, les nations, tout ça. Imagine-toi, on te donne une prophétie. Tu es prophète des nations. Je te vois voir les présidents. Je te vois voir ceci. Tu seras content, non? Oh là là, Paul était content. Mais Dieu ne lui a pas dit comment il allait arriver là-bas, à la nage. En fait, le processus, Dieu ne te dit pas, il te parle juste de la finalité. Les moyens que Dieu va utiliser, il ne te dira pas. Ça, il cache. C'est pourquoi dans la prophétie, il y a la face visible et la face cachée. La face visible, c'est pour t'encourager. Parce que s'il te donne la face cachée, tu vas dire, non, non, non, non, non, non, non, je refuse le tour. C'est pourquoi il t'encourage toujours, je ferai de toi, je te leverai. Mais il ne te dit pas comment. Le Fils de Dieu devait être élevé, même c'est par la croix. Bien-aimé, tu vas passer par le processus. Que tu le veuilles ou pas, c'est le passage obligé. Le tour, oh, je vois Dieu transformer quelqu'un sur le tour. Alléluia, alléluia. Oh, moi j'ai un grand ministère. Demandez les hommes où ils vous diront, eh, pour arriver ici, j'ai fait ça. Un homme de Dieu donnait son témoignage un jour, et puis un jeune dira, moi je veux cette onction-là. Il dit, ah bon? Et il vient, je vais prier pour toi. Il est venu tout content. Il a d'abord commencé à donner les témoignages de tout son parcours. Il dit, Seigneur, je prie que ce jeune homme passe par tout ce chemin. Il a dit, non, je refuse. Pourquoi? Tu veux la finalité, mais tu ne veux pas le processus. Nous aimons la louange que tout le monde nous loue, nous vante. Mais la louange a un prix. Le prix du sacrifice, le prix des souffrances. Bien-aimé, l'or ne peut pas briller s'il n'est pas passé par le feu. Tu veux briller? Nous voulons briller dans cette génération. Eh bien, le feu, tu vas passer. Oh, moi, j'ai une grande onction. Je vais avoir une grande renommée. Je vais être grand. Le feu. Alléluia. Alléluia. Et Dieu ne va pas enlever ça. Le Fils de Dieu était là un jour. Il dit, Père, s'il est possible, cette coupe-là, éloigne ça. N'est-ce pas compris, non? Oh Seigneur, permets que les choses aillent bien, mais sans souffrance. C'est le Fils de Dieu qui a prié. S'il est possible, Père. Celui qui a dit, le Père m'exauce toujours. Mais là, il ne l'a pas exaucé. S'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Non, ma volonté, mais la tienne. Le Père dit, ok, tu es obligé de passer par là. Et pendant que tu souffres comme ça, Dieu n'enlève pas la souffrance, mais Dieu te fortifie dans la souffrance. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Je peux aider quelqu'un ce soir? Dieu ne va pas arracher les problèmes. Dieu va te donner le courage d'affronter les problèmes. Ah, j'entends quelqu'un à qui Dieu dit, courage mon enfant, fortifie-toi mon enfant. Le problème ne va pas quitter, mais tu auras là. Et Dieu envoie un ange pour le fortifier. Vous imaginez le fils de Dieu fortifié par un ange. Dieu va envoyer un ange. Hein. Tu vas voir, tu es tellement dans les problèmes, une sœur va venir prophétiser. Oh mon frère, ma sœur, j'ai prié, j'ai senti que Dieu me disait, sois calme, patiente, ça va aller. Toi dans ton cœur, je croyais que la solution c'était aujourd'hui. Non, patience. Aïe! Amen. Joseph, il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais tu m'as montré des visions. Et il se retrouve où? Vendu comme esclave. Et il va se retrouver dans la maison de Potiphar. Bien aimé, il n'y a pas eu de hasard. Dans la maison de Potiphar, Dieu a permis cette circonstance-là, premièrement, pour que Joseph apprenne à servir. Parce que si toi, Dieu t'élève sans que tu aies appris à servir les autres, tu vas devenir un tyran. Tu vas commencer à dominer les gens. Bien-aimé, quand Dieu est en train de te façonner sur le tour, il veut te donner le caractère de son fils. Et le fils de Dieu est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et aujourd'hui, tout le monde veut être servi. Dieu dit non, le commencement, tu dois d'abord apprendre à servir les autres. Tu veux être un grand serviteur? Tu veux être demain, ok, comment d'abord à servir les gens? Il apprend. Parce que personne ne peut diriger s'il n'a été dirigé. C'est pourquoi aujourd'hui on a des dirigeants vraiment compliqués parce qu'ils n'ont jamais été dirigés. C'est normal qu'ils ne dirigent pas bien. Dans beaucoup de domaines, bien sûr. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Apprends. Quand tu es en train d'apprendre, tu es en train de servir les autres, Dieu est en train de t'apprendre la soumission totale. Toi, tu veux que Dieu t'élève. Oh, ici, on me bloque. Mais tu n'es pas soumis. Frère, tu n'es pas soumis. Sœur, tu n'es pas soumis. Est-ce que tu es soumis au chef du département? Est-ce que tu es soumis à tes parents? Tu n'es pas soumis. Donc Dieu va te faire passer par là. Tu dois apprendre la soumission. La soumission, c'est le fait d'être sous la mission de quelqu'un d'autre. Si tu n'as jamais servi quelqu'un d'autre, tu ne serviras jamais à ta propre entreprise. Si tu n'as pas été fidèle à ce qui est autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Bien-aimé, tu dois apprendre dans la maison de Potiphar. La soumission, sers les autres. Jésus est venu pour servir. Ça, c'est le caractère de Christ qu'il veut mettre dans l'église. Et aujourd'hui, l'église ne veut plus servir. On ne veut plus servir Dieu. On ne veut plus servir les autres. On veut être servi, mais on ne veut pas servir. On veut recevoir, mais on ne veut pas donner. Tu dois donner. Tu dois servir. Deuxième enseignement que Dieu a donné à Joseph dans la maison de Potiphar. Parce qu'il était fidèle dans le service des autres, Dieu l'a élevé comme chef dans la maison de Potiphar. Toujours position inférieure, mais chef. Dieu veut te lever pour que tu deviennes un dirigeant. Il fallait que Joseph devienne le dirigeant de l'Égypte. Bien-aimé. Mais tu ne peux pas diriger un grand pays si tu n'arrives pas à diriger une petite maison. Voici pourquoi il y a des catastrophes aujourd'hui. Les gens veulent la grandeur, mais ils ne veulent pas passer par le chemin de la grandeur. Bien-aimé, tu dois apprendre à diriger. Quand tu apprendras à diriger une maison, tu apprendras à diriger un petit troupeau et que Dieu te trouvera fidèle, il t'amènera à un grand troupeau. Et tu es pressé, pourquoi? Une petite responsabilité, tu n'es pas capable de l'assumer. Mais tu veux des grandes responsabilités, ça ne marche pas. Dieu doit t'apprendre le leadership. Il a appris à diriger l'Égypte dans la maison de Potiphar. Vous voyez, la grandeur a des étapes. Regarde ton voisin, dis-lui ça a des étapes. Dis-lui encore, la grandeur a des étapes. Et reste fidèle. Pour être un vrai chef, un berger selon le cœur de Dieu. Un vrai berger, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. Si tu n'es pas un bon dirigeant, tu seras un mercenaire. Parce que tous les gens que tu vas diriger seront pour toi des vaches à lait. C'est quoi, vous voyez, même dans certaines églises, les fidèles sont des vaches à traire. 40 fidèles, 40 dîmes dans la poche. Moi, à Paris, quelqu'un m'a dit, tu as beaucoup déjà, donc tu es riche. Il dit, mon frère, voyez là la mentalité de la pauvreté. Vous pensez que beaucoup de gens veulent dire que tu deviens riche? Non. Non. Alléluia. Alléluia. Beaucoup n'ont plus le cœur de berger. Si tu n'as pas le cœur de chef, tu ne peux pas être un bon chef que Dieu va élever demain. Quoi, Dieu te taille. Troisième enseignement, Dieu a voulu éprouver son intégrité. Combien d'entre nous ici sont intègres? Ton intégrité, c'est à l'église. L'intégrité, c'est la droiture, l'honnêteté. Tu sembles être honnête ici à l'église, mais qu'on sorte seulement là, tu es le premier à rouler les autres. Tu es le premier à être dans la fraude. Tu es le premier à avoir une double vie. Bien aimé dans le Seigneur, ton intégrité sera éprouvée. Joseph ici était beau. Et la femme de Potiphar vient lui faire des avances. Imagine-toi, tu es dans la maison de chef. Le chef n'est pas là. Le patron n'est pas là. C'est toi qui restes le boss maintenant. Et la femme vient. La femme a craqué pour toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, chance. Quelle occasion. J'attendais ça depuis longtemps. Il y a beaucoup ici, ils ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas eu les occasions de pêcher. Donnez-leur seulement une occasion, vous allez voir. Frère à Pengui, sœur à Pengui. Il a eu l'occasion de pêcher, mais il a dit non, je ne peux pas pêcher contre mon Dieu. Bien-aimé, même si personne ne te voit, sache que Dieu au ciel te voit. Alors sois intègre où tu sois, partout où tu es, reste intègre. Dans le bureau où tu travailles, reste intègre. Refuse le pot de vin. Sois intègre. Il avait la capacité de pouvoir aller avec la femme de Potiphar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand la femme est venue, il a voulu l'attraper. La Bible dit que Joseph s'est enfui. Et en s'enfuyant, il a laissé son manteau. Bien-aimé, devant l'impudicité, on ne résiste pas. On fuit. J'ai vu un frère qui était tout feu, tout flamme. Tout feu, tout flamme. Et il était en face de lui, il avait en face de lui une prostituée. Tout feu, c'était quelqu'un. Rababa shaka baba. Maintenant la prostituée était devant. Rababa shaka baba. Rababa shaka baba. Bien aimé, tu dois. Regarde ton voisin, dis-lui, prends tes jambes à ton cou, cours. Fuyez l'impudicité. Tu vas perdre le feu. Il dit, je préfère tout perdre, mais ne pas perdre Dieu. Oh bien-aimé, celui qui a la vision pour toi, ne le perds jamais. Tu peux perdre les opportunités. Tu peux perdre ces choses, mais ne perds jamais la source. Reste connecté à la source. La femme a pris le manteau et sa tunique était devenue maintenant une occasion, une preuve contre Joseph. Bien-aimé, tu vas passer par l'épreuve dans le tour de transformation des fausses accusations. On va t'accuser faussement. On l'a vu avec la femme d'autrui. La preuve, regardez. Les gens peuvent créer des preuves. C'est pourquoi, si vous êtes spirituel, ne croyez pas tout ce que même les médias racontent. Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas, il peut inventer quelque chose, il met ça sur les médias, et puis tout le monde dit, regardez, le pasteur, vous avez vu, il est faux. Regardez, regardez. La preuve. Satan est très fort. Amen. Regardez la preuve. Il a voulu me violer, regardez. Si c'est faux, regardez, ça c'est quoi? Tout le monde a cru à cette femme. Bien aimé, tout le monde peut croire au mensonge du diable. Mais sache une chose. Quelqu'un même l'a dit. Le mensonge vient par l'ascenseur. Mais la vérité, par l'escalier. Je suis venu dire à quelqu'un, même si on a raconté des mauvaises choses sur toi, laisse le temps va corriger ces choses. Dieu, avec le temps, va te justifier. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Oh, que Dieu justifie un enfant de Dieu. Que Dieu justifie quelqu'un par rapport aux fausses accusations. Tu seras justifié. Alléluia. Et la femme de Potiphar, bien-aimée dans le Seigneur, a fait en sorte que Joseph se retrouve dans la prison. Voyez, dégradation encore. Dis à ton ami, dégradation. De mal en pire. De mal en pire. Prison. Esclave d'abord. Esclave dans la maison de Potiphar. Maintenant, esclave dans la prison. Bien-aimé, tout ce que Dieu permet, bénis-le. Joseph pouvait être. Il devait avoir la haine dans son cœur. Mais il a béni Dieu. Il se retrouve en prison. Voici la dernière école, la prison. La prison, c'est un endroit où tu es caché. Un endroit où si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux devenir dépressif. Dans la prison, dans la dépression. La prison, ce n'est pas comme la prison à Paris. Hein. À Paris, en prison, on vous entretient bien, on vous donne la manger le matin, midi, le soir, vous dormez bien. Ça, ce n'est pas la prison. Parce qu'il y a des vrais voleurs, quand ils n'ont plus d'endroit où aller, ils font n'importe quoi pour qu'on les mette en prison. Comme ça, là-bas, ils savent qu'ils sont nourris. Mais prison ici, c'est comme Makala, quoi. Cachot. Noir. Amen. Et là, tu deviens. Même Jean-Baptiste, quand en prison, il est devenu dépressif. Il commence même à poser la question. Un homme ou un en prison, dépression. Demandez-lui, es-tu celui qui devait venir ou devant nous on attend un autre? Bien-aimé, la prison rend dépressif. La pression sur le tour de transformation va amener la dépression. Je ne comprends plus rien, je ne pige rien. Vraiment, ce n'est pas possible, j'abandonne, j'arrête. N'arrête pas, tu es sur le tour de la transformation. Et là-bas, Dieu va l'élever. Bien-aimé, vous imaginez, partout où Joseph allait, Dieu l'élevait. C'est-à-dire quoi? Quand Dieu t'a déjà élevé, à quelque niveau que ce soit, tu auras quand même les promotions. Même dans la prison, promotion. Il devient le chef des prisonniers. Et dans la prison, Dieu permet maintenant que Joseph commence à grandir. Et qu'est-ce que Joseph va apprendre dans la prison? Joseph va apprendre, premièrement, à être d'abord intime à Dieu. Parce que quand il servait, il était un peu, voilà, quelquefois qu'on perd l'intimité, l'intimité de Dieu, c'est ça qui nous fait que nous puissions recevoir les choses de Dieu. Et là, dans l'intimité avec Dieu, dans la prison, Joseph reçoit un nouveau don. Dis avec moi un nouveau don. Dis encore avec moi un nouveau don. Il y a des dons qui vont amener des changements dans ta vie. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Nous sommes dans l'année du changement. Un nouveau don. Lequel? Le don d'interprétation de songes. Avant, il a songé seulement. Il n'avait pas le don. Mais là, dans la prison, Dieu lui donne le don d'interprétation. Bien aimé, même quand les choses deviennent compliquées, sache que Dieu est en train de rajouter des choses. Et là, Dieu fait la concours des circonstances. Deux personnes viennent dans la prison, le panetier et les chansons. Et les deux vont rêver. Et ils vont dire à Joseph leur rêve. Mais regardez ce qui m'a frappé. Au panetier, Joseph interprète le rêve, mais Joseph ne fait pas beaucoup de commentaires. Pourquoi? Il a compris la leçon qu'avant, il avait fait beaucoup de commentaires, ça l'a amené des problèmes. Bien aimé, il y a des songes, des visions, il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il faut cacher. Et surtout avec des gens qui n'ont pas de vision. Quelqu'un qui va mourir demain, pourquoi tu vas t'attacher à lui? Attache-toi aux gens qui ont des visions. Bon, bref, tu n'as pas bien saisi. Et à les chansons, il interprète, il dit, tu seras réhabilité. Et là maintenant, Joseph introduit sa demande. Souviens-toi de moi. Bien-aimé, aux gens que tu vois qui vont aller loin, attache-toi à eux. Souviens-toi de moi. Il a beaucoup parlé avec les chansons, pas avec les panetiers. Lisez dans vos Bibles. Et après cela, les chansons sortent. Joseph, on l'oublie. Dis à ton ami, Dieu va permettre qu'on t'oublie. On t'a donné des promesses. Ah vraiment, tu vois, je voyage à Dubaï. Dès que j'arrive à Dubaï, je t'envoie le virement. Je t'envoie un chèque. Toi, tu es content. Un mois, deux mois, rien. Et tu commences à t'énerver, tu commences à bouder. Ne boude pas. C'est Dieu qui a permis qu'on t'oublie. Non, non, non. J'ai l'impression que je ne vais pas parler à quelqu'un là-bas. Est-ce qu'ils peuvent parler ici? Là-bas, ils n'ont pas bien compris. Ne boude pas quand on t'oublie. Dis merci Seigneur parce qu'on m'a oublié. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se souvient toujours. Et le problème était lequel? Dieu devait oublier Joseph dans la prison pour que Joseph apprenne maintenant à connaître l'économie. Dans chaque étape, il y a quelque chose que tu dois apprendre. C'est pourquoi dans la souffrance, ne cherche pas le mauvais côté ou pleurer. Cherche pourquoi Dieu permet ça. Pourquoi Dieu permet ça? Tu vas devenir intelligent. La Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Parce que c'est dans le malheur que Dieu va te donner quelque chose. Il dit non, ils m'ont oublié, mais Dieu ne m'a pas oublié. Ils m'ont oublié, mais je crois que Dieu va m'élever. Il commence à apprendre. N'hésite pas à aller à l'école. N'hésite pas à apprendre des choses. N'hésite pas. Et la Bible nous dit, on a oublié Joseph. Joseph a souffert pendant 13 ans. Mais quand le temps de Dieu était arrivé, dis avec moi le temps de Dieu. Quand la formation sur le tour de la transformation est finie, quand le temps de Dieu sonne, c'est le pharaon qui va avoir le songe. Ce n'est plus les petites personnes qui vont avoir le songe, c'est le pharaon. Dieu est en train de troubler un grand parce que la solution est entre tes mains. Dieu est en train de troubler quelqu'un. Le pharaon a un songe, mais il ne sait pas interpréter. Aucun de ses sages n'arrive à le faire. Personne, il se fâche. Et pendant qu'il se fâche, les chansons se souviennent maintenant. Oh, quelqu'un va se souvenir de toi. Je disais, même si on t'avait longtemps oublié, quelqu'un va se souvenir de toi. Il dit, je connais un homme. Lorsqu'il donne l'interprétation, ça ne rate pas. Comment il s'appelle? Joseph. Et la Bible dit, Pharaon alla appeler Joseph. Oh my God. Bien aimé, j'aime cette partie. Il a traîné longtemps. Il a pleuré longtemps. Mais quand le temps de Dieu était arrivé, la Bible dit, Joseph sortit en hâte. Oh, tu vas sortir rapidement. Je vois le changement qui est en train d'arriver. Les choses que tu as attendues longtemps, ça va venir rapidement. Ah, je disais à quelqu'un, les choses que tu as attendues longtemps, ça va arriver rapidement. Il est sorti en hâte. Oh, je vois quelqu'un que Dieu va sortir en hâte de la situation. Je vois quelqu'un cette année qui va rentrer dans son mariage. Je vois quelqu'un cette année qui va toucher à ce que Dieu lui a promis. Ça va venir rapidement. Oh, laissez-moi vous dire, il est celui qui a la pédale, celui qui ralentit, celui qui accélère. De la même manière, il avait ralenti pour que tu sois transformé. De la même manière, il va accélérer. Ah, je vois Dieu appuyer le bouton de l'accélérateur de la bénédiction. Ah, est-ce que quelqu'un peut crier alléluia? Je vois Dieu appuyer le bouton de l'accélérateur de la bénédiction de quelqu'un. Et la Bible dit, il est sorti de la prison. Dis à ton voisin, tu sortiras de la tour. Non, non, dis-lui, tu sortiras de ce tour de transformation. Et quand tu sors de là, la première des choses que tu vas faire, tu vas changer les vêtements. Oh, je vois les vêtements de honte que quelqu'un est en train de changer. Les vêtements de pauvreté que quelqu'un est en train de changer. Les vêtements d'humiliation. Ah, oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Oh, je croyais qu'il y avait des arsois. Je croyais qu'il y avait des arsoises. Oh, si quelqu'un croit, il peut dire alléluia. Oh, je vois Dieu changer les vêtements de quelqu'un. Je vois Dieu enlever les qui étaient sales et mettre ce qui est glorieux. Il changea de vêtements. Et quand il arrive devant le pharaon, il donne l'interprétation du songe. Écoutez, la Bible dit, ses paroles plus au pharaon. Dieu va faire que tout ce que tu vas commencer à faire, ça va plaire aux gens. Ce n'est pas toi qui vas forcer, parce que Dieu a fini son travail. Il te rend agréable. Bien aimé, quand la grâce vient sur toi, tu ne forces pas. Les gens t'aiment même si tu ne leur as rien donné. Il y a des gens qui vont dire, j'ai juste envie de bénir les pasteurs. J'ai juste envie de bénir ta vie. Oh, je vois Dieu donner, faire grâce à quelqu'un ici. Oh, après la transformation, après avoir changé de vêtements, je vois un contrat qui va arriver. On va venir te chercher. Non, on cherche le profil là. On cherche cet homme-là, cette femme-là. Est-ce que tu es disponible? Viens travailler dans notre cabinet. Oh, je vois quelqu'un entrer dans une nouvelle dimension de changement avec Dieu. Je vois quelqu'un entrer dans une nouvelle dimension de ministère avec Dieu. On viendra te chercher pour entrer dans ce ministère. Ne force pas. Quand le temps arrive, quand Dieu te sort, c'est pourquoi ne sors pas du tout. Laisse Dieu te sortir du tout. Quand Dieu te sortira du tout, les choses seront faciles. Et quand il est sorti, la Bible nous dira qu'il va avoir deux enfants, Manassé et Éphraïm. Oh, je veux dire à quelqu'un pour terminer, Dieu te réserve un Manassé. Oh, tu ne m'as pas bien compris. Je dis à quelqu'un, Dieu te réserve un Manassé. Lorsque tu sors, n'aie pas tes frères en haine. Ils t'ont fait du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Bénis tes ennemis. Pardonne leurs fautes. Mais sache que Dieu te donne Manassé. Quand il a eu Manassé, il a dit, Dieu m'a fait oublier mes peines. Dieu va te faire oublier tes peines. Oh, dans cette transformation, crois-moi, après la souffrance, viendra un temps de joie. Il y aura un temps de récompense. Alléluia. Regarde ton voisin, dis, prends ton Manassé. Dis-lui, prends ton Manassé. Dis-lui encore, prends ton Manassé. C'est le chef-d'œuvre que Dieu a préparé. Et après Manassé, tu as Éphraïm. Et quand tu as Éphraïm, c'est la fécondité. C'est la prospérité. L'abondance. J'aime bien ce que le pasteur Roland Dallo dit souvent. Nzamba kotia o diki diki. Et ce soit diki diki en Nzambe. Tu connais le diki diki, non? Ah, je vois quelqu'un que Dieu va. L'abondance. Paul dit, je sais vivre dans la disette. Le tour, je sais aussi vivre dans l'abondance. Après la disette, vient l'abondance. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus. Amen.